Such a fucking cow. I said I wonder why I spent my time on shit, booze, Thank you. Breakdown à l'instant des Buzzcocks en live. Breakdown, c'est un de leurs premiers morceaux sur quasiment le premier 45 tours. Une petite transition maintenant avec nos amis hollandais de Heiderosius avant d'attaquer le live suivant. Vous êtes toujours sur le 100 FM Radioactive et c'est votre soirée rock au cas où vous n'auriez pas remarqué. Heiderosius à l'instant sur Lost in Space. Et justement, je pensais à une vieille expression que l'on utilisait beaucoup quand nous étions jeunes qui disait « Si tu trouves que ça va trop vite, c'est que tu es trop vieux ». Et donc, concert encore une fois, le dernier de la soirée, Combat 1984 du street punk à l'ancienne. Pas vraiment à l'ancienne maintenant, mais enfin bon, même s'ils sont un peu vieux, ça s'appelle La Charge de la 7e Cavalerie. Ça enregistre en live, 3 morceaux, et après on va calmer le jeu parce que effectivement, il y en a qui vont trouver que ça va aller trop vite. Allez, c'est parti. I'm Bon. Thanks for coming, South London, Putney, Paris, and everyone. All London, thanks for coming down here and paying to get in. I never paid to get in. Oh, yeah. And Nottingham and East London and West London and North London. Vous êtes toujours sur le 100 FM, Lost in Space, votre rendez-vous rock, punk et musiques expérimentales diverses et variées et plein de choses diverses, encore plus variées que tout ça. Les lives sont finis, la soirée est déjà bien avancée, mais elle est encore loin d'être finie. Heureusement, malheureusement, je vous laisse choisir. On va par contre maintenant radicalement changer de style. Plus trop de punk rock, nous allons rentrer dans une phase un peu plus mélangée entre musique industrielle, musiques expérimentales et lecture de texte. Et pour commencer, justement, dans la musique industrielle, on aura deux choses, White House et Public Image Limited. Vous savez, le groupe de John Lydon, le chanteur des Sex Pistols. Allez, c'est parti avec White House to Die. Thank you. is your nature. We see you climbing, improving the effort. Wearing my suit, it is your character. There is a limit over your shoulder. Everyone loves you until they know you. A few aerosols may champion the strangers. Standing around all the right people. Crawling, tennis on Tuesday, the ladder is long. It is your nature. You got a suntan, football on Sunday, society boy on social security. It is your nature. On Tuesday, sipping champagne. Football on Sunday, home on the train. It is your nature. Girl from Totteridge Park said you were nice. So was my suit. Désormais, il ne s'agit plus de savoir si tel ou tel théorème est vrai, mais s'il est bien ou mal sonnant, agréable à la police ou nuisible au capital. La recherche désintéressée fait place au pugilat payé, l'investigation consciencieuse à la mauvaise conscience, au misérable subterfuge de l'apologétique. Karl Marx, Le Capital, livre 1, tome 1. The truth is in the gas chamber. The truth is in the stockyards, the slaughterhouses. Thanks to close cooperation with our friends, some of these have been prevented. With the help of French authorities, we recently aborted one such attack, a planned massacre using grenades and small arms of civilians waiting in line for visas at an American embassy. You can try to prove that Columbus sailed on an ocean, but it's not the same ocean. It's a different ocean. It's a different world. He has sanctioned acts of terror in Africa, Europe, the Middle East, as well as the Western Hemisphere. It's a new horizon, a brand new experience of living. I got a note last night from a friend of mine. Before Gaddafi seized power in 1969, the people of Libya had been friends of the United States. And I'm sure that today most Libyans are ashamed and disgusted that this man has made their country a synonym for barbarism around the world. What we are. Nobody can stand in judgment. They can play like they're standing in judgment. They can play like they stand in judgment. They'll take you off and control the masses with your human body. And they can lock you up in penitentiaries and beat you and put you on charges if they didn't demand. But it doesn't amount to anything. What they're doing is they're only persecuting our affliction of themselves. They're persecuting what they can't stand to look at in themselves. The truth. They can't stand to look at the truth in themselves. They persecute themselves. They're butchering themselves every time they go on. Sometimes it is said that by imposing sanctions against Colonel Gaddafi, or by striking at his terrorist installations, we only magnify the man's importance. But the proper way to deal with him is to ignore him. I do not agree. Long before I came into this office, Colonel Gaddafi had engaged in the attacking of his children, but he isn't. In the White House sending them off to war. And you're saying I have to pay for this again and again and again. I've got to pay for your sins. How many times have I got to pay for your sins? I'm getting tired. I'm getting tired. And for us to ignore, by inaction, the slaughter of American civilians and American soldiers, whether in nightclubs or airline terminals, is simply not in the American tradition. I'm paying for you so that you can ride your bicycle, have your birthday party, have what you call a life. You know, I never had a life. I don't even know what life is. Self-defense is not only our right, it is our duty. It is the purpose behind the mission undertaken tonight. A mission fully consistent with Article 51 of the United Nations Charter. I've used every day of my life. I've been used. When I haven't been used and I have been on the street, I've been chased, run, harassed, pushed, kicked. My ribs have been broken, you know. The same man that gives you a traffic ticket is the same guy that knocks my brains out. Action will ring down the curtain and Gaddafi's reign of terror. But this mission, violent though it was, can bring closer a safer and more secure world to decent men and women. Un immense soulagement court en filigrane tout au long des réinterrogations et des refondations théoriques dont les sciences sociales en général et la recherche urbaine en particulier n'ont cessé de faire l'objet ou servir de prétexte depuis presque une trentaine d'années en France. C'est à qui, en effet, se félicitera avec le plus d'enthousiasme et d'assurance de la mort des idéologies, réduite à une seule, comme on va le voir, qui, en substituant la rhétorique d'un discours à la connaissance d'un objet, aurait, pendant une période courte mais dévastatrice, 1968-1975, perverti la démarche scientifique au point d'en faire oublier la finalité, produire des savoirs. Que l'on ne s'avise plus aujourd'hui par conséquent de se demander quel type de savoir, à quelle fin et au profit de qui. Ce serait là précisément retomber dans les errements du passé. Autant dire que de telles questions ne sont absolument plus d'actualité. The fear. There's some kind of motor back there, maybe a hammer falling in a bucket. How it drives me, I don't know. Maybe just to keep from falling, clattering deep in the drain. Writing from the throat, to leave it all behind, and it's a blow on the back. My shoes not fitting, but worn so many years. Am I bent under my shirt like a hanger, or freezing like your keys on the floor of my car? What happens if the closet burns? Thank you. Dans la présentation d'un ouvrage paru au début du siècle nouveau, censé dresser un panorama de la pensée française actuelle sur l'urbain, son principal maître d'œuvre revenait une fois de plus, pour s'en réjouir, sur ce qui sépare cette pensée de l'état d'esprit revendicatif et critique du capitalisme qui prévalait au début des années 1970, époque caractérisée par une aggravation de la propension à marxiser à tout vent. Prisonniers de leur engagement dans ce que l'on appelait alors la contestation de notre société, beaucoup de chercheurs n'étaient-ils pas guidés non par une quête de vérité, mais par le souci de voir confirmer les vérités qui justifiaient cet engagement. Animés d'une volonté militante, n'avaient-ils pas fini par concevoir la recherche comme une manière de poursuivre la politique par d'autres moyens ? La perspective historique des mouvements urbains décrétait par exemple en 1976 le plus influent d'entre eux, articulé de façon étroite au mouvement ouvrier, dans l'ensemble d'une stratégie socialiste, réclame de façon urgente une théorie scientifique et révolutionnaire de l'urbain, rien de moins. Oh, Thank you. Barbonneur, les oreilles dogmatiques qui aveuglaient ceux qui faisaient profession de scruter le monde social mieux que d'autres, sont tombées au fur et à mesure que s'effritaient les idéaux d'émancipation, atteints de plein fouet par le discrédit, puis l'effondrement des régimes, des partis et des doctrines qui passaient à tort pour les incarner. Enfin libérés des grilles conceptuelles et des corsets théoriques qui bridaient leurs réflexions, les chercheurs pourraient désormais s'intéresser aux mutations du monde urbain contemporain sans devoir pour autant porter sur elles un regard soupçonneux, voire hostile, devenu hors de saison. l'air serait donc révolu où le géographe comme l'historien, le sociologue comme l'économiste tendaient moins à dire ce qui est que ce qu'il faut en penser. Renouant avec la vocation de sa discipline, chacun aurait aujourd'hui pour seule préoccupation de faire connaître ce qu'il sait et non plus ce qu'il croit. Pourtant, à confronter ses proclamations et ses professions de foi aux résultats de leurs travaux, les chercheurs en sciences sociales donnent plutôt l'impression, aujourd'hui comme hier, de dire surtout ce qu'ils croient savoir. Et chose nouvelle, de rester sciemment muets, désormais, sur ce qu'ils préfèrent ignorer. Half I know the name, the dust in my eyes. Last night I dreamt, and it seemed so clear you were there. You were there. Last night I dreamt, and it seemed so clear, and I know that it's you, so I hope that it's you. Dusk of the day, under old city walls, I howl. And I call for a life, and I howl like it's lost. Only the drunks are that you're here, and I know that it's you, so I hope that it's you. I fear it's you, so I hope it's you, and I know that it's you, so I hope that it's you. Arrêtons de croire que les sociologues sont assez futés pour faire de la subversion sans que personne ne s'en aperçoive. Cet avertissement ironique, qui adressait rétrospectivement l'un d'entre eux à ses collègues, visait ceux qui s'étaient imaginés détournés, comme le recommandait la vulgate situationniste, l'institution qui les employait à des fins opposées à celles qui lui étaient fixées. Outre que le libéralisme avancé, qui constituait l'image de marque du giscardisme, n'était sans doute pas étranger à la libérale largeur de vue, des commanditaires étatiques de la recherche urbaine, l'appétence de ces derniers pour la sociologie marxiste ou d'autres théorisations à visée critique résultait avant tout de la nécessité de fournir à des planificateurs urbains en plein désarroi les connaissances dont ils avaient besoin. No boy's face. A beam of red air slants up and off to the side of his head, floating above a body. I think I was sleeping and saw no face turn into view. It was pale, with spongy lumps under the eyes. Shreds of skin flutter at the lips. I try to see what it's looking at. Its pupils drifting apart, clouded with a pinkish gum. I see a thick black word pushing out its mouth, shiny from the light behind me. Who are you? I'm hunching. It tries to speak through the heavy word. Slobbers hiss around it. Spit it out, I urge. It grunts. Veins bulge in its temple and jaw. The word jerks up and down. I watch it slowly sucked back in. Don't die, I'm whispering, grasping my hand on my teeth. It's cool them all. With an update on management of acute psychosis. Dead and buried, the dead are alive, the dead don't die. Dead end, dead eyes of London, dead fall, dead kids, dead man's eyes, dead men tell, dead men walk, dead of night, the dead one, dead people, dead ringer, dead run, the dead zone, the deadly bees, deadly blessing, the deadly circle, the deadly companions, the deadly dream, deadly encounter, deadly eyes, deadly intentions, the deadly menace, deadly messages, deadly ray from Mars, the death tower, deadly weapons, dear dead Delilah, death among friends, death at Love House, death by invitation, death corps, death cruise, death drive, death flight, death game, death house, death hunt, death in small doses, the death kiss, death machines, death mask, death moon, death rage, death ride, death ship, death smiles on a murderer, death sport, the death stalker, death takes a holiday, death trap, death valley, death weekend, the death wheelers, death dream, the death master. And I'm proudly your host for the Golden Years. Their community activities. I don't care what time it is anyway. I've always thought the irony of giving a match winner a man a watch when he retired when he didn't care what time it is. It's women doing what has to be done. Women doing what has to be done. Most men Now let me introduce to you her. Meet Mr. Addison Mary, assistant. Through vasectomy assistant. Now let me introduce to you. How is this accomplished? Most men think they know what family planning means. Family planning can be just as much of a man's Most men think they know what family planning means. They don't want to be a If you're a college student, most men think they know what family plans to be done to prevent unwanted planning means. Family planning is if your family can decide whether to help you consulting with Oh dear. What a fucking day. What a day! What an awful day! What a terrible day! What an awful day! Just Oh,